au Brésil, aux États-Unis, mais surtout pour revenir dans les poches du peuple québécois qui en a tant besoin justement pour défendre ses grands idéaux. Ben voilà. Alors, hein? Ça... Ouais, voilà. Hey, ça va bien? Ah, hey, après la pause, Marie Baudry, qui est avec nous, directrice générale d'Aliments du Québec, on va parler de tout ça, de comment les Québécois accordent de plus en plus d'importance au fait d'acheter québécois. Ce qui est merveilleux. Oui, très belle initiative. Oui, et Aliments Québec a répondu à cette demande et à cet intérêt des Québécois en s'organisant pour qu'on sache qu'est-ce qui est québécois, qu'est-ce qui n'est pas québécois. Voilà, justement, c'est dans la belle lignée de ce qu'on vient de vous dire, comme de cette montée de lait que nous venons de faire. Petit bloc pub et ensuite on va suivre deux blocs musicaux, tirés du dernier album des Cowboys Fringants. C'est La Classe Moyenne qui s'en vient. Et puis, ben, c'est notre nominé à la disque ici de la région de Québec, mon ami Tire le Coyote, avec À l'abri dans le bois. Mais bloc pub pour commencer. Vous êtes toujours à La Fausse Patte avec Christian Saint-Pierre et Catherine Dorion. C'est le temps de mettre un chandail de laine. C'est le temps de mettre un chandail d'alpaca. À Québec, nous sommes chanceux. À la boutique Alpaca, 275 rue de la Couronne, nous avons la meilleure sélection de tricots d'alpaga, sûrement au Canada, peut-être au monde. 50 familles au Pérou tricotent les meilleurs chandails, tout couleur mitaine, dans le meilleur alpaga. Pensons toujours aux besoins du Québec. Boutique Alpaca, 275 rue de la Couronne, à 4 points de rue de la bibliothèque Gabriel-Leroy, 418-522-2772. La Tabagie Saint-Jean fait aujourd'hui figure d'institution. Revues, magazines, commodités en tout genre incluant bière, vin, café, choix de viennoiserie et autres sucreries. La Tabagie Saint-Jean, 620 rue Saint-Jean, 418-522-5923 pour les livraisons l'an semaine. Venez aussi découvrir en exclusivité le système électronique HD Smoke et rendez-vous sur tabagiesaintjean.com. La Tabagie Saint-Jean connaît le tabac. Bonjour, ici Anne Perrault. Le 25 novembre, soyez des nôtres à l'Impérial afin de célébrer le 10e anniversaire de Jeunes Musiciens du Monde, un organisme qui permet à plus de 600 jeunes de s'épanouir grâce à la musique. Catherine Major, Damien Robitaille, Alpha Rococo, Marc Derry, Orange Orange, Marco Cagliari, Papa Groove, Isabeau et les chercheurs d'or, Chantal Archambault, Pénaroua, Catherine Pogonat seront aussi de la fête. Les billets sont disponibles sur jeunesmusiciensdumonde.org et à l'Impérial. Une présentation de la Capitale Groupe Financière. Explosion imminent. Evacuate the facility immediately. Les jeudis soirs, écoutez CKRL. 18h30. Michel Drolet vous présente Mezzanine, les nouveautés du rock britannique actuel. Today's security code is 5334118. Mezzanine, seulement au 89.1. C'est mon cégep sur la fesse. Ouais, ma petite frette de temps en temps, ça m'aide à faire avancer mon stress. J'ai beau me promener les poches vides, pourtant je me sens pas plus léger. Mais au moins j'ai la vieille lucide, ça fait que check pourrait pas y aller. Voulez-vous bien me dire sacrement où c'est qui s'en va mon argent? Je suis un bon contribuable, donne la moitié de ma paye. M'en fous et bon, pourquoi je suis pas capable de gagner mes pièces au soleil? Moi je porte mon pays à bout de bras, tout ça pour des mauvais services. Puis c'est chez nous qui pète le toc, on a plus d'argent dans le calice. Je suis dans la classe moyenne. Oh, oh, oh. Dans ce moyen adresse avec un choix. Pas un mot de dire aux chauffes qu'ils ont à la maison, mais

Vous êtes de retour à la fausse patte sur CKRL 89.1, Christian Saint-Pierre au micro avec Catherine Dorion, toujours présente avec nous. On est dans un spécial agroalimentaire aujourd'hui. Alors Catherine, tu as une invitée spéciale qui nous attend au bout du fil. Qui est-elle? Nous avons Marie Baudry, directrice générale d'Aliments du Québec, qui va nous parler dans quelques secondes, minutes. Et juste avant, je lisais hier, en fouillant sur le sujet, que les consommateurs québécois se préoccupent de plus en plus de la provenance des aliments qu'ils achètent. Fait que, pour vous donner une idée, en 2004, il y avait la moitié des Québécois qui disaient « oui, c'est important ». D'où viennent les aliments que j'achète et dont je me nourris. En 2009, c'était 60%, 10% de plus en 5 ans. Et l'année suivante, c'était 72% de la population qui estimait important que les chaînes d'alimentation favorisent les produits du Québec. Donc, non seulement ils se souciaient d'où venait leur nourriture, mais en plus, ils espéraient que cette nourriture-là vienne du Québec. Donc, il y a eu vraiment une hausse de sensibilisation à cet égard-là, très, très rapide. Et même, on dit qu'en 2004 et 2009, les produits portant le logo d'Aliments du Québec, donc nous avons la directrice générale avec nous, a augmenté ses parts de marché de 2,8%. Augmenter tes parts de marché, ça veut dire prendre 2,8% de place dans tout le marché qui est occupé par les produits alimentaires. C'est énorme. On se bat d'habitude dans ces industries-là pour 1%. Et là, ça a augmenté très, très vite. Alors, Marie Baudry, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, Marie Baudry. On est très heureux de vous avoir. Juste pour expliquer à nos auditeurs, Aliments du Québec, c'est quoi exactement? Aliments du Québec, c'est un organisme sans but lucratif qui est créé à partir de tous les partenaires de l'industrie, c'est-à-dire parmi les membres du conseil d'administration, on a l'Union des producteurs agricoles, on a l'Association des transformateurs, on a les détaillants, on a un représentant de la distribution, on a l'Association des restaurateurs, l'Association des chefs cuisiniers pâtissiers du Québec, on a deux organismes des pêches, soit l'Association québécoise d'industrie de la pêche et l'Alliance des pêcheurs professionnels du Québec. Donc, carrément, on est représenté par toute l'industrie et nous, notre rôle, c'est de faire la promotion et l'identification, c'est-à-dire de certifier l'origine des produits. Donc, le consommateur, quand il voit un produit avec le petit logo « Aliments du Québec » ou « Aliments préparés au Québec », parce qu'on en a deux, l'autre est un peu moins connu, il a l'assurance que ce produit-là pousse ou a été fabriqué ici au Québec. OK. Et ça a commencé, en fait, par... Parce que là, donc, vous avez tous les organismes dont vous avez parlé. Est-ce que vous avez aussi des entreprises de produits? Oui, c'est-à-dire que nous, parmi... ce sont les membres, si on veut, du conseil d'administration qui dirigent l'organisme sans but lucratif. Mais parmi nos membres, ce sont des producteurs ou des transformateurs ou encore des producteurs-transformateurs parce qu'il y en a qui font les deux. Et on est, à l'heure actuelle, à 625 membres. Okay. Donc, on a connu vraiment une croissance assez importante parce que je vous dirais que en 2009, on était environ à 510 membres ou quelque chose du genre. Ah oui, c'est très, très, c'est très bien. Puis comment est-ce que tout ça s'est créé? Donc, c'est né il y a une quinzaine d'années, si je ne me trompe pas? Oui, exactement. Il y a un engouement en ce moment, les tendances, les gens veulent acheter des produits de proximité pour différentes raisons. Ça peut être pour des raisons environnementales, parce qu'on sait qu'un produit local ou régional, il va parcourir moins de distance, donc c'est un geste positif envers l'environnement. Je pense que les gens aussi, maintenant, la qualité, c'est important. Si on regarde ce qui est arrivé avec les produits en Chine, la qualité du produit, le goût, la fraîcheur, le Québec est soumis à des normes très sévères. Le Québec, qui a les mêmes normes, en fait, que le Canada, est soumis à des normes très sévères au niveau de la production et de la transformation. Donc, même si ce sont des normes qui sont parfois, selon les secteurs de l'industrie, plus sévères que les normes américaines. Donc, on est assuré là d'avoir, on fait de la surqualité au Québec. Je pense qu'on peut en être fier. Et aussi, je pense qu'en achetant des aliments du Québec, puis ça, les gens en sont de plus en plus conscients, on a un geste positif envers le soutien de notre économie locale, régionale, puis par le fait même provincial. On encourage des gens qui travaillent chez nous, puis on maintient des emplois chez nous aussi. Donc, si je me permets, Catherine, écoutez, Madame Christian Saint-Pierre, je suis le co-animateur de Catherine. Bienvenue dans notre émission, d'abord. Merci. Donc, si je comprends bien ce que vous me dites là, c'est que un produit de Chine, par exemple, de l'étranger, est-ce qu'il a plus de chances d'être, entre guillemets, de moins bonne qualité que ce qu'on produit au Québec? Oui, il y a beaucoup de chances parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes normes de qualité qu'on retrouve au Québec. Ils ont même pas, la Chine n'a pas vraiment non plus de normes, si on veut, au niveau du pays, n'a pas de normes strictes. C'est sûr qu'il peut y avoir quelques entreprises qui ont des systèmes de gestion de la qualité, le système ACEP dans le secteur alimentaire, mais ça, c'est souvent des multinationales qui sont établies là-bas. Mais disons, comme tel, ils n'ont pas les mêmes exigences. Ici, au Québec, la plupart des producteurs et des transformateurs sont soumis à des règles très strictes et très sévères. Puis même parfois, les produits importés ne sont pas soumis à ces règles-là. Donc, c'est un peu injuste aussi en même temps, hein. Oui. Mais je lisais aussi par rapport à tout aux produits québécois dans un autre ordre d'idée que c'était quand même difficile pour certaines entreprises de pénétrer les grosses épiceries parce qu'on sait que 90% des achats d'aliments au Québec se font soit dans des supermarchés appartenant à Sobeys, à Loblaws ou au Métro. Donc ces trois-là ramassent 90% des achats d'aliments au Québec. Est-ce que c'est nécessaire pour une entreprise de produits d'aliments québécois de rentrer dans ces supermarchés-là où on peut survivre sans? C'est sûr que c'est là que se trouve, comme vous le disiez tout à l'heure, le gros du marché, mais en même temps, il y a un autre secteur aussi qui peut être exploité par peut-être des plus petites entreprises artisanales, puis on le voit souvent dans les régions, le secteur de la restauration, les petits restaurants qui vont encourager les produits locaux, ça peut être un point de départ, ou encore les détaillants, les indépendants ou les marchands en région qui appartiennent à une bannière, parfois, eux, ils ont moins de contraintes, vous n'êtes pas obligé d'approvisionner le corporatif, la chaîne au complet. Vous pouvez commencer, si vous êtes dans une région, par approvisionner, moi, je sais pas, peut-être un métro ou deux ou quelque chose du genre, c'est okay. Possible à ce niveau-là. C'est sûr que quand on veut essayer d'aller plus au niveau de tout le Québec, ben il faut que l'entreprise ait les volumes, mais je pense qu'il y a des moyens de bâtir des volumes tranquillement en visant peut-être le secteur de la restauration ou de l'institutionnel, puis après ça, peut-être ajouter aussi un peu de vente au détail dans sa région, là, ça peut okay. être possible. Puis je suis curieuse de savoir, donc, si ça a été créé il y a une quinzaine d'années, comment c'est parti de quoi? Est-ce que c'est des gens qui sont réunis puis qui ont dit il faut qu'on fasse quelque chose? Ou Oui, en fait, c'est l'industrie qui avait un salon à ce moment-là qui ont vendu, si on veut, je pense que c'était un salon agricole. Écoutez, je suis pas certaine à 100%, là. Et ils ont créé justement un fonds pour pouvoir mettre de l'avant et mettre en valeur les produits de chez nous, finalement. C'est comme ça que ça a commencé. C'est carrément l'industrie qui voulait ça, et je pense que c'est ce qui fait la force un peu d'Aliments du Québec, c'est que la volonté vient de l'industrie. Oui. Puis on voit que là, donc on voit des publicités à la télévision ou dans les sur les autobus ou tout ça. Oui. Ça, c'est la dernière offensive. Là, en fait, c'est depuis quelques années que Aliments du Québec a décidé, bon, ce qu'il faut faire. C'est quoi, en fait, la stratégie qu'il y a derrière ça? Bon, ben la stratégie, disons qu'elle a changé. On a eu une première campagne qui était « Mettez le Québec dans votre assiette ». Et la deuxième campagne qu'on a fait en collaboration avec le ministère Agriculture, Pêcherie et Alimentation du Québec, que vous voyez à l'heure actuelle, avec notre porte-parole Chantal Fontaine, Aliments du Québec, toujours le bon choix. C'est ce qu'on voulait que le consommateur réalise, c'est que maintenant, le Québec a énormément évolué. Si on regarde en termes de fromage, en termes de bière, de microbrasserie, les fruits et légumes, on fait des trucs de culture en serre et tout ça. Donc, on a beaucoup plus de variétés et de produits régionaux et nationaux qu'on en avait auparavant. Il y a moyen maintenant, si on le veut, de manger presque entièrement québécois, puis on a une variété tout à fait exceptionnelle à bien des niveaux. Alors, c'est un peu ça qu'on veut faire réaliser aux consommateurs. Et le choix de Chantal Fontaine, c'est parce que elle anime une émission par-dessus le marché. Les gens s'identifient. On voulait que les gens s'identifient à elle. Et c'est adapte vraiment. Elle a vraiment un impact. On a eu des excellents commentaires au niveau du choix de notre porte-parole. Et ce qu'on veut dire, finalement, c'est qu'on sait que le consommateur, il a ça à cœur. Il y a une fierté au niveau du savoir-faire, ne serait-ce que nos transformateurs, les fleurons de notre industrie ont développé au Québec. Et ce sont des... Nous, on les considère peut-être au Québec comme des grosses entreprises, mais eux, ils se battent contre des multinationales à l'étranger. Si je pense à Biscuits Leclerc, par exemple, chez vous, les La Sonde de ce monde. Ce sont des grosses entreprises ici, mais qui sont petites une fois à l'international. Et ce sont des entreprises qui ont développé un savoir-faire tout à fait exceptionnel. On a aussi Barry Caïbo au Québec, qui, même si la fève de cacao pousse pas au Québec, se trouve à transformer la fève de cacao en chocolat et approvisionne tous les biscuiteries, les pâtisseries, même nos petites chocolateries artisanales qui font des produits tout à fait exceptionnels et incroyables. Donc, on a développé un savoir-faire et je pense qu'on doit en être fiers. Et les gens veulent de plus en plus avoir un rôle qui est plus près de chez eux, c'est-à-dire de vraiment, ils savent qu'en achetant québécois, ils encouragent leur communauté, ils la soutiennent. Donc, le rôle communautaire et social, ce geste-là, en plus du geste environnemental, je pense que les gens en sont de plus en plus conscients et c'est plus important qu'avant. Surtout que donc les gens souvent vont être hésitants, vont dire je veux bien acheter québécois, mais là c'est plus cher, je vais payer un produit mettons 2,25 au lieu de 1,93. Fait que là ça les énerve puis ils disent ouais mais si je choisis toujours d'acheter québécois, ça va me revenir beaucoup plus cher. Oui. Sauf que ce qui est important puis ça si vous pouvez nous en parler un peu, c'est c'est que il y a quand même une forme de ristourne qui revient aux consommateurs sous forme de soutenir l'économie locale, en fait, non? Oui, tout à fait, tout à fait. Et comme vous le disiez tout à l'heure, oui, parfois c'est plus cher, puis on a dans notre tête que c'est toujours plus cher, mais c'est pas toujours plus cher. Parfois, c'est pas nécessairement moins cher, mais c'est le même prix. Puis ça peut être à l'occasion quand le produit est en promotion pour des entreprises comme, je pense, comme Biscuit Leclerc ou La Sonde, où c'est carrément moins cher qu'un produit qui vient de l'étranger. Je pense au jus Tropicana, par exemple, qui vient de l'Ontario, des États-Unis. C'est sûr que parfois quand il y a des promotions sur les jus de la Sonde, c'est pas plus cher. On encourage notre industrie, notre économie ici. Oui, oui, au lieu de donner de l'argent à une entreprise celle qui possède Tropicana, c'est Pepsi, si je me trompe pas. Oui, exactement. Alors que c'est sûr que les produits qui des plus petits produits, peut-être des produits artisanaux, c'est sûr que parfois le produit va être un peu plus cher que d'autres, mais la qualité est là, c'est quelque chose de novateur, c'est quelque chose de différent, puis c'est souvent des bons produits à découvrir aussi. Puis c'est aussi qu'on soutient des producteurs qui n'auront pas besoin d'être soutenus par le gouvernement ou de recevoir autant de subventions ou etc. Tu sais, il y a quand même ça revient quand même aux contribuables, le fait de soutenir son économie. Exactement. Christian, t'avais une question? Oui, madame. J'aimerais que vous m'expliquiez. Il y a quelque chose que je m'explique mal, moi, dans ce qui se passe dans nos épiceries. Oui. C'est que au mois de juillet, on a sur l'étagère dans les fruits et légumes, on a des fraises de la Californie, on a les fraises du Québec. Et les fraises de la Californie sont encore moins chères que les fraises du Québec. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce produit-là, sur les tablettes, vaut moins cher que celui qui vient d'à côté? En fait, les fraises de l'île d'Orléans sont vendues plus cher dans l'épicerie, à mon épicerie Coin Charest, Marie de l'Incarnation, que les fraises qui viennent de la Californie. Comment ça se fait que c'est comme ça? Oui. Ben, est-ce que c'est l'industrie qui est si forte que ça? C'est une question de qualité ou c'est une question de possibilité d'entrer dans les supermarchés? Est-ce que vous avez une explication là-dessus au niveau des prix? Moi, je pense que c'est une raison de volume parce que c'est sûr que la Californie, avec son climat, a une production beaucoup plus longue que celle du Québec, d'une part. Mais je pense qu'au Québec, entre autres à l'île d'Orléans, là, on en a plus longtemps maintenant. Là, je pense qu'ils ont trouvé une manière que la fraise se conserve un peu légèrement, un peu plus longtemps. Je dois dire légèrement parce que c'est sûr que ça n'a pas une durée de vie là indéfinie. Mais je pense que la Californie, tout simplement, c'est qu'ils ont une saison qui est presque annuelle. Donc ça change. Il y a beaucoup, le volume est beaucoup plus important de production. Puis la saison est beaucoup plus longue. Donc c'est sûr que eux, étant donné qu'ils en ont beaucoup, ben ça fait, ils sont en mesure d'offrir des meilleurs prix. OK. Et au niveau de la qualité du produit, j'imagine qu'une fraise de Californie, je ne sais pas si vous avez des connaissances là-dessus, mais il faut qu'elle soit cueillie plus tôt qu'à maturité, en fait, là, pour être envoyée ici jusqu'au Québec dans un bon état, en fait, là. Donc, je ne sais pas si au niveau de la qualité du produit, ce que ça peut jouer à ce moment-là, vous pensez? Ben, je ne sais pas si ça joue au niveau de la qualité, mais moi, personnellement, je trouve qu'il y a une différence au niveau du goût. Ah, totalement. En fait, je pense qu'on peut chacun faire l'expérience. Des fraises de l'Orléans et des fraises de la Californie. Moi, je trouve que ça goûte rien, les fraises de la Californie. Mais ça, c'est mon avis à moi, mais j'en ai parlé à une couple de personnes, puis je pense qu'il y en a plusieurs qui sont de cet avis-là. Ah, je comprendrais pas quelqu'un qui serait de l'avis contraire, là. Je veux dire, ça saute au papier, là. C'est vraiment, le goût est totalement différent. Ça saute au papier. Je suis pas spécialiste en fraises, mais je pense aussi qu'il y a des variétés, ils ont des croisements qui ont fait pour augmenter peut-être la durée de vie ou des trucs comme ça, donc ça peut jouer aussi, là, mais encore là, je voudrais pas trop m'avancer parce que c'est carrément, nous on couvre plusieurs produits alimentaires, ben oui, je comprends. Donc vraiment... Ben justement, pour revenir à Aliments du Québec, là, est-ce que ça serait quoi, donc il y a eu, si vous avez eu en fait des réussites année après année, ça prend de l'ampleur, ça prend de la place. Puis ça, vous avez conquis une grosse part de marché, une bonne part de marché. Mm-hmm. Du côté des problèmes que vous avez rencontrés sur votre route, là, ça peut ressembler à quoi? Bien, c'est sûr qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de travail à faire encore, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'on a deux certifications. On a Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec. Donc, Aliments du Québec, comme je disais tout à l'heure, qui est un produit très peu transformé, qui pousse ici au Québec, et Aliments préparés au Québec pour tout ce qui est transformé au Québec, mais on a revisité nos définitions. Et un aliment préparé au Québec, quand les ingrédients principaux, par exemple, je ne sais pas si vous avez une tarte aux fraises, que les fraises sont disponibles en quantité suffisante au Québec, ben votre tarte aux fraises, pour qu'elle soit aliment préparé au Québec, il faut que la fraise provienne du Québec. C'est juste s'il n'y en a vraiment pas au Québec, comme par exemple du café. Exactement. Que là, ça peut quand même avoir le sceau d'aliments préparés au Québec sans venir totalement. Oui, c'est ça. Mais il faut que le café soit torréfié au Québec. Il ne faut pas qu'il soit juste emballé. Okay. Il faut qu'il soit torréfié, qu'il y ait des mélanges de fait. Il faut qu'il y ait un processus là qui ait lieu. Il ne faut pas que ça soit juste un produit qu'on reçoit, qu'on importe et qu'on emballe tout simplement. Puis, faut qu'il y ait une valeur ajoutée, un savoir-faire qui soit fait ici au Québec. Mais est-ce que Aliments du Québec, des fois, se retrouve devant des blocages politiques ou des problèmes? Qu'est-ce qui est plus difficile? Est-ce que ça va juste bien ou des fois? Non, c'est sûr qu'il y a eu, certaines problématiques parce que en ce moment, les distributeurs ont fait le choix, par exemple, je prends l'exemple de IGA Sobeys qui a quand même été l'initiateur du projet. Puis c'est sûr, au début, quand il a choisi de le faire, l'autre certification n'existait pas. Donc, ils ont choisi d'identifier uniquement Aliments du Québec. Alors, c'est sûr qu'auprès des consommateurs, pour les entreprises qui ne mettent pas sur leur emballage, j'ai souvent des appels des gens qui me disent « Mais voyons, le jus d'orange, c'est pas un aliment du Québec. » Là, je leur explique. Oui, je le sais. Chez nous, il est certifié aliment préparé. Mais malheureusement, l'entreprise le met pas sur son emballage parce qu'il exporte partout à travers le monde, donc ça serait une gestion d'emballage quand même assez importante. Mm-hmm. Et pour Sobeys, ben c'est plus facile au niveau de leur système d'avoir un seul et unique logo. Donc malheureusement, ça sème un peu de la confusion dans la tête des consommateurs et son travail là-dessus. Mais je vous dirais qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour faire connaître. Et effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a gagné une grande part de marché, mais il y a encore quand même pas mal de travail à faire. Oui, il reste la place pour en gagner plus. Oui. Puis on souhaite que ça marche. Fait que c'est quoi les projets futurs? Vers quoi vous vous enlignez? Là, vous êtes dans une campagne pour faire connaître Aliments du Québec et rendre la mesure populaire. Qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir? Ben ce qu'on veut faire, on veut développer d'autres secteurs sur lesquels, parce qu'à l'heure actuelle, Aliments du Québec, on est plus présent, comme vous le disiez tout à l'heure, en supermarché, en épicerie, dans le marché du détail. Puis on l'est un peu moins au niveau du secteur de la restauration parce que les besoins sont différents. Donc on n'a pas de programme spécifique pour leur secteur. On veut travailler là-dessus parce qu'on sait qu'il y a plusieurs restaurants qui mettent en valeur des produits régionaux. Mais on veut travailler pour leur offrir un programme comme on l'a dans le secteur du détail, quelque chose qui va assurer l'origine aux consommateurs et sur lesquels on va pouvoir, ils vont avoir la possibilité aussi d'utiliser la même campagne et de mettre notre logo. Ça pourrait être logo dans les menus, par exemple? Oui, exactement. On veut travailler à ce niveau-là. Oui, madame, j'ai une petite question pour vous. En fait, c'est une information que je voudrais démystifier. Est-ce que vous avez un mot à dire dans tout ce qu'on appelle les trucs d'origine contrôlée, les appellations d'origine contrôlée? Le veau de Charlevoix, par exemple, ou les fruits de l'île d'Orléans sont d'appellation d'origine contrôlée. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dedans? Est-ce que c'est... Ben, c'est-à-dire qu'il y a un lien, mais c'est complètement différent dans le sens que ces entreprises-là, c'est pas uniquement à l'origine, c'est aussi, ils ont des cahiers de charges au niveau de la production. Et ça sort, c'est des choses qu'on travaille ensemble parce que nous, on travaille avec, c'est le CARTV, le Conseil des appellations, je me rappelle pas de toutes leurs, en tout cas, c'est eux qui gèrent les appellations d'origine. Et nous, on travaille avec eux en collaboration, justement, pour tout ce qui est fait à ce niveau-là. Mais c'est sûr qu'au niveau du cahier de charge comme tel de la production, c'est pas vraiment dans notre expertise. Nous, c'est carrément la validation de l'origine du produit. Et on valide même dans les produits qui sont transformés, qui sont fabriqués au Québec. On va même demander à l'entreprise ses fournisseurs, puis on va s'assurer auprès des fournisseurs, justement, que les matières premières, les ingrédients principaux proviennent du Québec. Et est-ce qu'il existe d'autres, comme on sait que dans l'industrie de bio, là, de l'étiquetage bio, ils ont ces problèmes-là, est-ce qu'il existe d'autres logos qui disent « ceci, ça vient du Québec », puis qui sont pas, en fait, certifiés, qui sont pas fiables comparativement aux vôtres, que là, c'est vraiment certifié Aliments du Québec, selon des règles strictes, mais il y en a-tu d'autres qui, des fois, essaient de dire « ça, c'est un aliment du Québec », mais en fait, c'est pas le bon, ils mettent pas le logo parce qu'ils n'auraient pas le droit de l'avoir? Ben, il y en a qui utilisent beaucoup la fleur de lys pour dire que c'est du Québec, mais qu'il n'y a pas nécessairement une vérification là, de fait comme tel. C'est pas une assurance vraiment pour